Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le pari fou de Nance et Moutz, deux jeunes Français voyageurs qui décident de partir complètement nus, sans vêtements, sans argent, sans nourriture, sans moyens de locomotion pour parcourir la France, avec un seul objectif, faire des rencontres. Et c'est une belle rencontre que je viens de faire avec eux sur le Festival du Grand Bivouac à Albertville. Ça va ? Ça va, ouais. Ça va ? Super, très bien. Moi, c'est Alex. Nance. Et Moutz. On entend parler de vous en ce moment, c'est nu et culotté. Donc on va peut-être, avant de parler de vous, parce que j'ai quand même envie de savoir qui vous êtes, juste le concept de nu et culotté. Le concept, l'idée, c'est de partir de rien, de mettre les deux pieds dans l'inconnu, en partant sans argent, en partant sans vêtements, avec quand même un petit rêve dans le baluchon, qui est de rejoindre un endroit pour rencontrer une personne en particulier, pour faire une activité en particulier, et c'est ça qui nous met en mouvement. Et après, le cheminement, il se fait avec les gens. Donc, sur un système de troc, d'échange, de partage, comment est-ce qu'on fait pour trouver sa nourriture, pour trouver un hébergement, pour trouver un déplacement, pour trouver des vêtements, et se rapprocher de ce rêve, essayer de l'accomplir, et puis au passage, faire de belles rencontres, et rencontrer de belles régions aussi. Et montrer que c'est possible. Et montrer que c'est possible. Et puis même, souvent, ça tourne en faire des rencontres, et puis au passage, réaliser le rêve. Hein. Oui, on se rend compte souvent à la fin que ça a été le prétexte pour se mettre en mouvement, et puis pour rencontrer tous ces gens sur le chemin. Alors moi je suis grenoblois, en deux mots j'ai fait un lycée sport nature à Die dans la Drôme où j'ai fait connaissance avec l'aventure, mais l'aventure dans le sport, l'escalade, le kayak, le ski de randonnée, et ça m'a mis le goût de commencer à voyager. Et dans mes années d'études j'ai expérimenté le SOP parce que j'avais pas beaucoup d'argent et je devais me rendre chez moi à Grenoble quand j'étudiais à Toulouse. Et j'ai découvert, plus qu'un moyen de transport économique, j'ai découvert une véritable fenêtre sur l'autre, sur moi-même. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. Donc après, avec l'aide de Moutz et puis d'autres amis, on a expérimenté les réseaux d'hospitalité comme Couchsurfing. On a expérimenté l'accueil spontané chez l'habitante quand on l'apporte et tout ça. Et tout ça, ça a donné lieu à une vraie quête, en fait, de qu'est-ce que c'est que le voyage alternatif, qu'est-ce que c'est que l'aventure. Et voilà, donc ça a donné lieu dans un premier temps à un livre qui est sorti chez Lonely Planet qui s'appelle « La Bible du grand voyageur » et qui regroupe toutes les techniques pour voyager bien avec peu de moyens, en valorisant l'expérience humaine. Et puis après, ça a donné ce projet avec Moutz de « Nu et culotté », voilà, qui est un peu l'illustration du guide qu'on avait écrit avant. Ouais, en gros, c'est un manuel qui regroupe toutes les techniques pour se déplacer, pour se nourrir et pour s'héberger, avec différents degrés d'aventure, différents degrés économiques aussi. Par exemple, on peut avoir, si on veut traverser un océan sans utiliser l'avion, on va pouvoir avoir le cargo, où il faut payer son billet pour monter à bord, mais on peut aussi avoir le bateau stop, où c'est gratuit. Pareil pour dormir chez l'habitant, on peut avoir Couchsurfing, les réseaux d'hospitalité, ou alors d'autres façons payantes, et du coup adaptées à tout public. Donc là, c'est plutôt le voyage, mais dans le monde, pas forcément en France. Voilà, c'est pas géographique, c'est dans le monde, c'est un moyen de cheminer. Le Couchsurfing, vas-y, présente-le quand même, la démarche en quelques mots, c'est intéressant. Le Couchsurfing, c'est, pour nous, ça a été aussi une super belle rencontre avec cette façon de voyager. Disons que c'est un réseau social où chacun a un profil et propose d'héberger les voyageurs. Alors, l'idée, c'est qu'on a tous un canapé chez soi qui pourrait permettre de passer une nuit. Et donc, quand on a un profil là, on peut aller n'importe où dans le monde et passer une nuit chez quelqu'un. Et à l'inverse, quelqu'un peut aussi venir chez nous. Donc c'est gratuit et globalement, le système est équilibré parce qu'il y en a qui font que voyager, il y en a qui font que héberger, il y en a qui font les deux. Et ça fonctionne comme ça. Et donc c'est une super belle porte après vers nous, ce qu'on a découvert, l'hébergement spontané sans réseau social. Donc c'est directement aller toquer à la porte des gens. Parce que Couchsurfing, ça nous montre qu'il y a un vrai plaisir à héberger. Et quand on a compris ça, on a envie de le faire de façon spontanée et d'aller rencontrer une personne dans un pays et lui demander « Est-ce que tu aurais un lit ce soir pour moi ? J'aimerais bien te rencontrer et puis aussi passer la nuit. » Comment ça marche en France, à l'hébergement spontané ? Alors ça marche comme dans n'importe quel pays, c'est une très bonne question. Nous, on pensait que l'hébergement spontané, c'était que valable dans les pays Costa Rica, mais Moutz a une très bonne expérience là-dessus. Donc je crois que c'est quelque chose qui, pour répondre à ta question, en France fonctionne plutôt très bien. Parce qu'on a depuis longtemps cette culture de recevoir alors souvent des gens qui cheminaient avec une quête très spirituelle, notamment par Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd'hui, même si on n'a pas forcément cette quête-là, ou si on l'a, peu importe, y a quand même la possibilité toujours d'être reçu, parce qu'on comprend la démarche qui est de cheminer avec peu et puis de profiter des rencontres pour pouvoir avancer. Donc en France, ça marche très bien, mais ça marche aussi très bien à l'étranger. Moi, j'ai pu faire le tour du continent américain, donc sud, centre et nord, avec un projet associatif à côté, mais qui m'a en partie mené à faire tout en stop et être hébergé chez l'habitant, et que ce soit au Brésil, au Guatemala, au Canada, aux États-Unis, dans des milieux sociaux et culturels très très différents, ben ça fonctionne toujours plutôt bien. Alors c'est étonnant parce qu'on est quand même basé sur une société assez individualiste où on a du mal à aller vers l'autre. Comment l'autre reçoit ça, ou comment est-ce que toi tu as fait la première fois pour aller toquer à une porte et dire « s'il te plaît, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir ?» Alors juste avant que l'interview commençait, tu nous disais que celui qui interviewe ou celui qui filme a une responsabilité dans le fait de mettre une bonne ambiance, de mettre la personne à l'aise. On se rend compte qu'on a aussi une grande responsabilité quand on toque à une porte sur l'issue de la rencontre. C'est-à-dire si on vient avec un sentiment de confiance et puis une envie de passer un bon moment avec la personne, souvent, il y a quelque chose, quoi. Il y a un lien qui se crée, il y a une confiance qui s'installe et une envie d'aider, quoi. Une fois qu'on passe à travers les couches de peur qui nous séparent les uns des autres, ce qui reste, c'est deux êtres humains qui ont envie de se filer un coup de main, quoi. Du coup, je dirais que ça consiste en ça un peu. Dans cette société individualiste, l'idée, c'est de retrouver le cœur de ce qu'on est, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui marche beaucoup dans notre façon de voyager, c'est le fait de se mettre à nu. Alors, on le fait d'une façon pas simplement dans le symbole, mais aussi dans notre approche des gens où on n'arrive pas avec une étiquette sociale, on n'arrive pas avec une façon de s'habiller. On s'est rendu compte que si on arrive en fonction du cliché, en costard cravate, en bleu de travail, en short tong, chemise à fleurs, ou quelle que soit ou en jogging, on colporte des idées qui sont différentes, on colporte des comportements qui sont différents, et les gens se réfèrent à ça. Et là, en arrivant d'une façon où on est assez déshabillé, on n'est pas nu, mais où on est habillé par le voyage, quelque part ça nous quitte. Et c'est comme une mise à nu où les gens s'y retrouvent et ont l'impression de parler avec des enfants, plus que de parler avec des adultes qui se cachent derrière des masques, derrière des façons de faire, et puis derrière des choses qui peuvent leur faire peur. Et donc là, grâce à ça, on laisse tout ça de côté. Et les gens, très vite, se rentrent eux-mêmes dans cette simplicité. Où, d'accord, en fait, vous êtes vraiment pour de vrai juste là pour voyager. Alors, d'accord, donc ça change la donne. Vous n'êtes pas là pour me piquer mes affaires, pour me voler ma voiture, pour me vider mon frigo, c'est au-delà, en fait. Donc on rentre dans une vraie curiosité de leur part aussi. Et c'est là où ça marche tout de suite beaucoup mieux, quoi. Donc comment, qu'est-ce qui s'est passé, nu et culotté, c'est pourquoi, comment ? Bah justement, quand on est rentré de l'étranger, on avait voyagé, vécu à l'étranger pendant 2 ans. On est rentré en France. Ensemble, vous êtes partis voyager ? Non, séparément. Et justement, on est rentré en France avec l'envie de vivre des aventures comme ça ensemble. Et en même temps, on avait ce petit blues du voyageur qui rentre en France et qui se rend compte que la nourriture, on a un petit peu fait le tour, les gens, on les connaît, les paysages, on les connaît aussi. Et puis, en même temps, on s'était aussi aperçu qu'en voyageant dans les pays où on était, notamment sur le continent américain, il y avait beaucoup de gens qui rêvaient d'Europe. Et nous, on venait d'Europe et on rêvait que d'Amérique. Et on pouvait rencontrer ça avec des gens qui venaient d'Afrique, etc., ou d'Asie, peu importe. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on rêve tous d'aller là où les autres sont et de là où ils viennent? Et on s'est dit, mais tiens, est-ce que ça ne se situe pas plus dans notre regard? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de retrouver cette magie du voyage, mais chez nous? Et alors pour ça, on s'est aperçu que c'était très lié avec la notion d'inconnu et qu'il fallait se remettre dans l'inconnu, comme au même titre que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on est dans l'inconnu. Mais comment recréer l'inconnu dans un pays qu'on connaît déjà très bien, qui est le nôtre? C'est là où voyager sans argent et voyager sans vêtements, l'idée a fait son chemin et où un jour on s'est dit pour la blague, allez tiens, on part sans rien, quoi. On voit ce qui se passe. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Mais alors là, ce premier voyage, on s'est dit allez, on y va, on tente de partir de rien et voir si on y arrive. Est-ce qu'il y avait déjà une caméra embarquée ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors nous, l'idée, c'était pas du tout d'en faire un film. On avait pris un petit appareil photo parce qu'on se disait quand même que l'expérience valait le coup de faire 2-3 photos. On allait pouvoir prendre aussi 2-3 vidéos. Et une fois qu'on est arrivé au terme de ce premier voyage, on a monté un petit montage qui durait 3 minutes, qui était fait en une nuit sous la passion, la folie de ce voyage. Et puis on a envoyé ça à 2-3 amis qui nous ont fait des super retours et ça a fini sur le bureau d'un producteur d'Emmanuel Priou à Bonne Pioche et qui nous a dit écoutez les gars, moi je pense que ces films, il y a un très très très beau potentiel et on peut en faire des 52 minutes ensemble, donc si vous êtes d'accord on va trouver un diffuseur qui sera France 5 par la suite et on en fait des films, quoi. Et nous, l'idée nous a bien branché. On était prêts, on n'avait aucune expérience. On sort tous les deux d'études d'ingénieur, donc c'est pas du tout le milieu. Mais on avait, tu vois, on revenait de 2 ans de voyage en Amérique tous les deux. Et puis on avait des rêves plein la tête. Et nous, ça nous disait quoi, de continuer l'aventure en France chez nous et de la partager. C'est le rêve de beaucoup de voyageurs, quoi. En fait, ce qui fait rêver dans ce que tu dis aussi, des fois, il suffit d'avoir juste une idée, une bonne idée, ouais, et à partir de là, on peut aller loin, quoi, sans forcément avoir eu le background, les compétences, savoir faire du film. C'est l'idée, finalement, exactement, qui va primer, quoi. Parce que du coup, dans cette aventure, il y a eu l'idée dans l'idée, c'est-à-dire il y a eu le rêve dans le rêve. Pour nous, c'était un rêve de pouvoir voyager d'une façon, de voyager d'une autre, et c'est ce qu'on essaie de partager dans ces films. Mais c'est aussi une idée et un rêve que de partager juste intrinsèquement, partager ça avec des gens. Parce que quand on rentre d'aventure, ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens qui voyagent. On se sent un petit peu frustré, en tout cas c'était mon cas, de me sentir frustré de ne pas pouvoir partager l'intensité de ce qui se passait. Et puis mais bon sang, mais ça existe quoi. Arrêtons de croire à tout ce qu'on nous raconte, il y a autre chose, ça va bien au-delà. Et c'était vraiment un rêve de pouvoir partager ça. Donc du coup, il y avait vraiment cette aventure où on part à poil dans ses voyages, mais on partait aussi à poil pour partager ses voyages. Il n'y avait rien du tout. Et c'est marrant parce que ces histoires de rencontres, ça arrive dans les voyages, mais c'est aussi arrivé en dehors des voyages, autour des voyages, dans la façon d'apprendre à réaliser ses films, d'apprendre à travailler dans une équipe, parce que quand on voyage, souvent, on est seul ou en tout petit groupe, et là, on n'est plus seul dans ce gros bateau, on est toute une équipe. Donc, ça a été assez fort de voir que ces aventures de voyage étaient aussi des aventures de vie, étaient vraiment à deux niveaux, comme des poupées russes l'une dans l'autre. Donc, suite à cette rencontre avec le producteur, vous avez monté le projet, qui donc s'est précisé un petit peu, et c'était donc partir à deux, à poil, aller quelque part. Donc c'était vous qui décidiez du point de départ, de la destination, du matériel embarqué, comment ça allait se passer après? Alors on a eu la chance, on a eu une très très grande autonomie là-dessus, c'est-à-dire que eux pouvaient mettre le veto quand ils sentaient que ils nous suivaient pas sur des idées, mais par contre c'est nous qui étions à l'origine de toutes les idées. Par exemple, quand on a dû définir un moyen de caméra embarquée pour filmer les rencontres, On a eu carte blanche et ça c'était passionnant d'imaginer un système qui puisse conserver les premiers instants de la rencontre sans arriver avec nos gros sabots, dire bonjour c'est la télé qui arrive, souriez. Nous ce qu'on voulait c'était passer incognito quoi. On voulait être vraiment, voir ce qu'on était dans les yeux des gens en tant que vagabond. Et du coup on a eu cette idée de baluchon avec des caméras très discrètes que les gens au début ne voient pas. Alors c'est pas de la caméra cachée mais c'est de la caméra discrète, ce qui fait qu'on arrive à avoir ces premiers instants. Et puis après une grande facilité de tournage, donc il y a une caméra qu'on a sur l'épaule qui filme les gens, une caméra au bout du baluchon qui nous filme, qui fait un champ contre champ, et on n'a pas besoin de se soucier de la caméra, de savoir comment elle est placée, de faire des scènes pour faire des plans d'écoute et tout ça, tout est fait, donc on peut être dans la rencontre. Donc ça c'était super sympa qu'on puisse faire imaginer ça, et puis ça a été comme ça pour tout, pour imaginer aussi les rêves à accomplir. On faisait des listes, on les proposait à Bonne Pioche, à France 5, et puis eux, ils mettaient des petites croix à côté de celles qui leur plaisaient. Et voilà, jusqu'au moment où on part nous-mêmes en voyage, et là, en voyage, il n'y a aucune équipe technique, on est autonome sur le terrain, et il se trouve que pendant 2 semaines, on n'a aucune nouvelle de la production, et on est entièrement dans le vagabondage. Avec l'envie follette de bousculer la terre, défiant les voix qui m'aiment et m'exposent leur peur, je trace les yeux baissés pour éviter ma mère, je tremble, je suis petit, puis grand et je pleure. Alors je fais mon chemin en sautant dans les flaques, je me salis les robes en rêvant de demain, je rigole de tout, je suis une tête à claque, je veux toujours me porter bien. Ceux qui me freineront sous prétexte qu'ils sont tristes pourront bien s'épuiser, je ne les entends plus, je compte m'éclater suivi de mes artistes afin de mettre au monde un bouquet d'ingénu. Alors la tête haute et le sang agité, le corps dans mon armure et le cœur bien fragile, je danse en avançant avec mes yeux mouillés, telle une funambule je traverse mon fil. Et si je tombe, les gens que j'ai conquis seront une centaine, attendre un drap de soie. Et si je tombe, ou bien je serai seul et mon ange véritable s'occupera de moi. Avec l'envie follette de bousculer mon linge, sa tête sur mon épaule, ses petites fesses bien fragiles, j'avance déboussolée, me creusant les méninges, prenant soin d'un décor aux allures de famille. Alors je fais mon chemin en sautant dans les flaques, je cultive l'innocence érudite de demain, redessinant la cible, perfectionnant mon arc, je veux toujours me porter bien. Ceux qui me freineront sous prétexte qu'ils ont peur peuvent bien me juger. Ils ne me touchent plus, je compte tout déchirer sans trop croire au bonheur pour donner goût de vivre. À ma belle ingénue, alors la tête saine et le sang agité. Le corps sans mon armure et le cœur bien lucide. Je danse en avançant avec mes yeux comblés, telle une funambule, je traverse mon fil. Et si je tombe, les gens que j'ai conquis seront une centaine, attendre un drap de soie. Et si je tombe, ou bien je serai seul et mon ange véritable s'occupera de moi. Et donc, combien d'émissions finalement ont été tournées au total ? Pour l'instant, il y en a eu 6. 6 rêves différents, avec toujours cette même idée de partir de rien et puis d'essayer de se rapprocher via une quête assez rocambolesque qui nous mène dans des milieux très différents. Bah, la poursuite de chacun de ces rêves. Donc, il y a eu pêle-mêle partir de Bretagne et aller boire le thé avec un lord en Grande-Bretagne. Il y a eu partir de Camargue pour aller faire un bonhomme de neige sur un pic alpin dans les Alpes. Donc, il y a eu partir du Vercors pour aller faire du parapente en Corse. Partir du sud de l'Espagne pour aller trouver une oasis dans le désert, dans le Sahara, au Maroc. Voilà, donc tout un tas d'idées comme ça qui sont souvent du domaine de l'enfance. Aller rencontrer un personnage comme un lord, c'est un peu rencontrer le Père Noël. Aller faire un bonhomme de neige, qui à l'enfant n'a jamais fait de bonhomme de neige quand on a la chance d'avoir de la neige autour de chez soi. Qui n'a jamais rêvé de s'envoler dans une montgolfière ou dans un parapente. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance, mais au sens insouciance. Au sens du plaisir juste de vivre et puis tiens, qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite ? On est 2, 3, 4, 12. Tiens, là, on peut jouer à ça, il y a ça, tac, tac, tac. Donc, c'est essayer de retrouver ça et de voir à quel point les gens peuvent nous embarquer là-dedans et comment nous aussi on peut les embarquer dans nos aventures. Ça nous est arrivé de faire un bout de route avec, avec une personne, deux personnes. Ça nous est arrivé de se retrouver embarqués dans des jeux ou de les emmener nous dans nos jeux. Enfin, donc c'était assez rigolo de voir quand on lâche, quand chacun lâche ses peurs, autant nous que les gens, quand on lâche toutes les choses sur lesquelles on peut se crisper au quotidien, des choses à faire, des choses à pas oublier, ben, au bout d'un moment, pof, il y a une énergie qui est là et il y a des très belles choses qui se passent, quoi. Un appel à l'aide, puisqu'il est encore temps qu'il traverse les frontières, emporté par le vent, orphelin du désespoir. Je rêve d'exil et d'argent, victime des hommes de pouvoir qui se disent intelligents. Dans mes espoirs les plus fous, j'imagine une vie meilleure. J'ai soif de découverte comme les grands voyageurs. Regardez bien cette étincelle briller dans mes yeux. Tu l'as dit, hein, c'est la question des peurs. Je crois que c'est vraiment ça, c'est aller au-delà de ses peurs, c'est oser affronter ses peurs, et à ce moment-là, on fait des choses incroyables, quoi. Ouais, une question énormément en voyage de contrôle. Nous, on se rend compte, en plus, on a les caméras, donc on veut absolument avoir telle séquence ou tel truc et tout ça. On se rend compte qu'il y a très vite le contrôle qui reprend sur le voyage. Et quand on s'en rend compte, quand on a la chance de s'en rendre compte, et puis de lâcher, et de se remettre dans cette insouciance, là, il se passe souvent des... ce que nous on appelle des petits miracles. Des synchronicités. Alors, tu veux dire arrêter de calculer les plans, tiens, maintenant t'es en train de penser en parlant à la personne en face de toi, tu te dis il faudrait que je me mette plus comme ça pour avoir cette image là non, pas exactement, parce que ça reste encore dans l'intention de bien faire sur le moment, de se dire bon là, il faut tel plan, il faut que je le fasse comme ça. C'est quand c'est dans la projection. Dans 2 heures, j'aimerais bien qu'on se fasse prendre en stop par un cheval. Ou demain, ce serait bien qu'on se fasse prendre en stop par un avion. Il y a des cabotables rouges. Ou voilà, il faudrait absolument qu'on se fasse prendre par une décapotable rouge ou un truc comme ça. Et alors ça a son côté bénéfique parce que c'est une source de motivation énorme, mais le côté noir, c'est qu'on peut aussi rester crispé là-dedans et perdre la souplesse du voyage. Et là-dedans, alors nous, c'est vraiment notre challenge en ce moment, c'est de plus en plus d'en prendre conscience quand on est dans cette crispation et de lâcher. Et ça a donné lieu souvent à des choses merveilleuses. Mais tu veux raconter le coup de la décapotable rouge ? Vas-y, je sens. Alors, dans ce tout premier voyage qu'on a pu faire en partant comme ça de rien, où il était encore hors de question qu'il se passe quoi que ce soit derrière, c'était une expérience, c'était un pari entre copains et ça devait s'arrêter là. L'idée était de partir de la Drôme, des sources de la Drôme, et d'aller à Paris, d'y arriver en décapotable rouge, en costard, et de sortir en boîte. C'était le symbole de passer de l'homme sauvage qui partait des bois tout nu à l'icône de l'homme moderne. Et sur la route, au bout d'un moment, on s'est habillé, on a fait de belles rencontres et on arrivait au point où il fallait anticiper cette histoire de décapotable rouge. Comment on fait ? Ça se loue, ok, il faut gagner de l'argent, nanana. On a imaginé un petit spectacle qu'on commençait à faire. Puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que ben là, c'était nos peurs qui nous rattrapaient et qui nous donnaient l'impression que la vie n'était pas suffisamment abondante pour pouvoir nous faire arriver une décapotable rouge devant les yeux. Et du coup, on s'est dit, ok, allez hop. On laisse tomber cette histoire de devoir gagner de l'argent. Du coup, on se prenait la tête sur combien il faut gagner. Oui, mais de quelle façon ? Ouais, mais non, attends, ce sera plus rapide comme ci, comme ça. Oui, mais c'est pas légal. Enfin bref, ça devenait un gros bazar qui était insolvable. Du coup, on s'est dit, on verra. On laisse tomber. Et là, on abandonne tout. Et on a continué ce voyage. On s'est retrouvé embringué dans de l'avion stop, de l'hélicoptère stop, des histoires pas possibles. Et arrivé à Paris, effectivement, alors c'est un lâcher-prise constant de se dire, ben... On laisse. Et au bout d'un moment, il y a eu effectivement une décapotable rouge qui est arrivée où il n'y a pas eu d'argent à gagner, il n'y a pas eu de solution à trouver, de compromis, de consensus. C'était juste comme une espèce d'abondance de la vie qui nous dit « Mais les gars, regardez, si vous faites confiance, ça marche. » quoi. Alors ça a l'air d'être une loi toute faite, mais en tout cas, on s'est aperçu que pour nous, ça a pu marcher un certain nombre de fois. Quoi. Ouais, et puis aussi d'accepter qu'on se laisse aussi surprendre par le voyage. C'est-à-dire que notre image de la décapotable rouge toute faite, que ça devait être telle marque et tout ça, on a accepté de la lâcher. En fait, ce qui est venu à nous, c'est un tuk-tuk rouge décapotable, le seul de Paris. Et c'était génial, en fait, ben voilà, elle est là, notre décapotable. Mais pour arriver à ça, en gros, on s'est dit ben, fallait lâcher notre crispation sur l'image toute faite qu'on avait et se laisser surprendre par le voyage. Et c'était un taxi qui, je sais pas, qui a flashé sur nous quand il nous a vus. Il nous a dit, vous faites quoi ici ? Et là, on lui a dit, ben... chercher une décapotable rouge. Il fait, bah écoutez, les gars, ce soir, je vous emmène où vous voulez. Montez. Et là, du coup, on était à réaliser ce rêve de gosse dans ce tout rouge décapotable à Paris, donc le seul qu'il y avait. Alors, il y en a un bleu, un vert et un orange. Et le rouge était pour vous. Et alors justement, des petits trucs comme ça, il y en a eu un paquet. Un autre petit voyage qu'on a fait avant de les filmer, on en a fait plusieurs pour se sentir à l'aise dans cette façon de voyager. Parce que c'est dans le même concept, hein, dans le partir concept, tout nu et puis voilà. Y aller. Quoi. Voilà. Et donc là, sur ce voyage-là, l'idée, c'était d'aller prendre un thé avec la reine d'Angleterre. On s'était dit, allop, on va voir ce qui se passe. On s'est retrouvé dans tout un tas d'aventures qui, au final, nous ont fait arriver dans la banlieue de Paris, donc bien loin de l'Angleterre, dans une soirée où il y avait tout un tas de gens, et on a rencontré une fille qui s'appelle Eleanor, je crois, qui se trouve être le prénom d'une ancienne duchesse d'Angleterre, ou enfin bref, et donc elle était là, notre reine, et nous on était comme des gamins, on l'avait trouvée, notre reine. Donc c'est vrai qu'il y a un gros lâcher à avoir sur le moyen, mais aussi sur la fin, quoi. Je rêve d'une maison, mais est-ce que la maison dont je rêve, c'est celle que j'ai imprimée dans la tête, ou... est-ce qu'on peut pas trouver une autre façon d'atteindre ce rêve ? Donc il y a eu beaucoup ça à travailler, c'était pas facile, mais on s'est aperçu que ça permet d'avoir de la joie quasiment tout le temps presque. Enfin, en tout cas, d'être beaucoup moins frustré, moins crispé sur « je veux ça et il me le faut ». Ça a changé beaucoup de choses pour moi, en tout cas, c'était de belles aventures ça. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs.